بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، j'aimerais citer quelques textes où est cité Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur de cette umma, à l'unanimité des savants. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, c'est-à-dire prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, quand ils étaient dans la grotte, les deux, là c'est le duel, et qu'ils disaient à son compagnon, c'est-à-dire Abu Bakr, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et le soutien de soldats que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les anges, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus et Allah est puissant et sage. Donc c'est le seul compagnon dont Allah Azza wa Jal a parlé de lui dans le Coran en tant que compagnon. Il yaqulu li sahibi, lorsqu'il dit à son compagnon, c'est-à-dire Abu Bakr. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son sahih que Abu Bakr vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: il y avait quelque chose entre moi et Ibn al-Khattab, c'est-à-dire Omar. Je lui ai parlé durement, puis j'ai regretté et je lui ai demandé de me pardonner et il a refusé. Donc je suis venu vers toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Il lui dit trois fois: Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Puis Omar regretta et il vint à la demeure de Abu Bakr et demanda où il était. Et ils dirent qu'il était parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le vit, devint rouge de colère. Et Abu Bakr eut de la pitié et se mit sur ses genoux et dit: ô messager d'Allah, par Allah, c'est moi qui ai été injuste. Il dit ça deux fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allaha ba'athani ilaykum fa qultum kadhabt wa qala Abu Bakr sadaqt wa wasani bi nafsihi wa malihi fa hal antum tariku li sahibi. Donc il dit: Allah m'a envoyé à vous et vous avez dit tu mens. Et Abu Bakr dit: tu dis vrai. Et il m'ouvrit sa personne et ses biens. Allez-vous donc laisser mon compagnon? Il répétait ça deux fois et Abu Bakr après ça ne fut plus jamais importuné. Subhanallah. Donc ça montre le grand degré de Abu Bakr et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère pour lui. Et on voit également sa grande personnalité, qui est la personnalité du musulman, qu'il a regretté après s'être mis en colère et qu'il a voulu intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vit sa colère envers Omar. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a secouru avec sa parole. Et de ce fait, les gens de la vérité, on les secourt par la parole lorsque cela est nécessaire et on cite leur mérite. Donc les mérites de Abu Bakr as-Siddiq sont nombreux dans la sunna. Et ça, j'ai voulu citer cette ayah et ce hadith parmi toutes les preuves qui concernent son grand mérite et sa valeur, qui est unanimement reconnue, à part pour les mécréants Rafida, qui eux, leur divergence ne touche pas la divergence des musulmans car ils ne sont pas parmi les musulmans. Qala l'imam ibn Kathir rahimahullah wa amma aliyun fa aslama saghiran ibn thamaniya sinin. وقيل أكثر من ذلك وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر. Donc quant à Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, le quatrième calife parmi les califes bien guidés et à qui il a été promis le paradis, donc témoigne de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné personnellement comme étant parmi les gens du paradis, on témoigne d'eux du paradis. Et sinon on dit des généralités comme le fait que les croyants ils sont au Jannah ou que les sahaba ils sont au Jannah. Donc il s'est converti petit, en ayant 8 ans. Et il a été dit plus que ça, et il a été dit que son islam a été avant celui d'Abu Bakr. Et il a été dit non. وَقِيلَ لَا وَعَلَى كُلِّ حَالِ فَإِسْلَامُهُ لَيْسَ كَإِسْلَامِ الصِّدِّيقِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي كَفَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ مِنْ عَمِّهِ إِعَانَةً لَهُ عَلَى سَنَةِ مَحْلٍ. Donc de toute façon, il dit son islam n'est pas comme l'islam d'As-Siddiq, d'Abu Bakr. Car il était sous la responsabilité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'avait pris de son oncle, donc Abu Talib, le père de Ali, pour l'aider lors d'une année de sécheresse. Et du fait qu'il s'est converti jeune, certains disent, Karramallahu wajha, après l'avoir cité, qu'Allah ennoblisse son visage. Et la vérité, c'est que d'autres sahaba sont également nés dans l'islam, ou sont convertis en étant mineurs, et donc ne se sont jamais prosternés pour des idoles, tout comme lui. Et malgré ça, on ne dit pas pour eux « karramallah wajha ». Donc ça, même si certains savants le disent, l'agrément, c'est ça qu'on dit pour les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Radiyallahu an, qu'Allah l'agré ». قال وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة. Et aussi Khadija s'est convertie et Zayd ibn Haritha. Donc Zayd ibn Haritha qui était son esclave affranchi. Et qu'au début de l'islam et de la jahiliya, les gens appelaient Zayd ibn Muhammad. Car lors de l'époque de l'ignorance, lorsqu'un homme adoptait un enfant, faisait de son esclave affranchi son enfant, on l'affiliait à lui et il héritait de lui. Et ça, l'islam a contredit cette croyance de la jahiliya. Donc les gens disaient Zayd ibn Muhammad, Zayd le fils de Muhammad, jusqu'à ce que Allah Azzawajal descende, Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus juste auprès d'Allah. Et les gens ont arrêté et l'ont appelé Zayd ibn Haritha. Et ce qui apparaît des textes, c'est que la première personne à être entrée dans l'islam, c'est Khadija. Car c'est à elle qu'il a parlé et elle l'a appuyé et a cru en lui. Ensuite, l'imam Ibn Kathir dit, وَأَسْلَمَ الْقِسُّ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلْ فَصَدَّقَ بِمَا وَجَدَ مِنْ وَحْيِ اللَّهِ وَتَمَنَّا أَنْ لَوْ كَانَ جَذَعَ وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْوَحْيِ. Donc, le prêtre Waraqa ibn Nawfal se convertit à l'islam lorsqu'il trouva, de ce qu'il trouva de la révélation d'Allah, dans ce que le prophète Sassam lui raconta. Et il désira être jeune. Et cela arriva la première fois que la révélation descendit, c'est-à-dire Iqra. Waraqa ibn Nawfal, qui était Nasrani. Il s'était christianisé, avait donc délaissé l'idolâtrie des Arabes. Et il écrivait à l'Injil en hébreu. Et il était c'était un vieillard à cette époque-là, qui était devenu aveugle. Et lorsqu'il entendit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui raconta ce qui lui était arrivé dans la grotte, il dit, ça c'est An-Namous, que Allah a fait descendre sur Moussa. An-Namous, c'est-à-dire le confident. C'est comme ça que les chrétiens appellent Jibril, alayhi salam. Et il dit, comme j'aimerais être jeune, comme j'aimerais être vivant, lorsque ton peuple te chassera. Le prophète Sassam dit, est-ce qu'ils vont me chasser? Il dit oui. Aucun homme n'est venu avec ceux avec quoi tu viens sans qu'on ne le prenne en ennemi. Et si je suis là à ce moment, je te secourrai avec force. Puis il mourut peu de temps après. Radiallahu anhu. Donc il est mort en croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en son message. Et il a reconnu le message des prophètes. Et encore une fois, on voit le fait de secourir la vérité et ses gens. Car il a dit, si je suis là à ce moment-là, alors que c'est un vieillard. Si je suis là à ce moment-là, je te secourrai avec force. Subhanallah. Et certains ne sont pas capables de secourir la vérité juste avec la langue, sans que ce soit difficile pour eux. Subhanallah. وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ فِي الْمَنَامِ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ الْقَصَّ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيْضٌ. Donc il dit que dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi qu'il est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu le prêtre avec des vêtements blancs. Donc le hadith est rapporté par Aïcha, que Khadija dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que, en parlant de Waraqa, il a cru en toi, mais il est mort avant que tu apparaisses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je l'ai vu en rêve, uritu fil manam wa bid. Je l'ai vu en rêve avec des vêtements blancs. Wa kana min ahlin nar, la kana alayhi libasun ghayru dhalik. Et s'il faisait partie des gens de l'enfer, il aurait eu d'autres vêtements. Et le hadith, Cheikh Al-Albani l'a affaibli et l'a même jugé inventé dans Da'if al-Jami' al-Sarir. Ala kullin, Waraqa ibn Nawfal a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce qui est clair dans les textes. Wa fi sahihayn annahu qala hadha an-namus alladhi jaa Musa ibn Imran lamma dhahabat Khadijah bihi ilayhi fa qassa alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ra'a min amr Jibril alayhi salam. Donc dans les deux sahih qu'il a dit que c'est an-namus qui est venu à Musa ibn Imran, c'est-à-dire Jibril, lorsque Khadija partit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voir, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta l'histoire de ce qu'il avait vu avec Jibril. وَدَخَلَ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ عَلَى نُورٍ وَبَصِيرَةٍ وَمُعَايَنَةٍ. Et ceux à qui Allah Azzawajal ouvrit les cœurs rentrèrent dans l'islam en toute clarté et clairvoyance. Et c'est Allah Azzawajal qui ouvre les poitrines des gens pour qu'ils acceptent la vérité. Et le kafir, si Allah ne lui ouvre pas sa poitrine, même si tu viens avec toutes les preuves et des prophètes et messagers, quelles preuves plus fortes que ceux avec quoi ils sont venus? Ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal ouvre leur poitrine. Allah Azza wa Jalla dit: "Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih fa waylun lil-qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Et Allah Azza wa Jalla dit: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Ensuite Ibn Kathir dit: فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب. Et donc les idiots de Mecca leur causèrent du tort et les torturèrent. Subhanallah. Voilà les croyants, comment sont traités les croyants par leur peuple, avec les torts et les injustices à leur encontre. Et Allah Azza wa Jal préserva son messager par son oncle Abu Talib. لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، car il était noble et il était écouté chez eux, chez Quraysh. نبيلا بينهم، et il était intelligent. Mais l'intelligence sans foi, elle ne sert à rien. Combien de gens intelligents sans foi, ça ne leur sert à rien. لا يتجسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له. Il n'avait pas l'audace de lui parler de Mohammed, de ce qu'il savait de son amour envers lui. Alors qu'il détestait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ramenait comme religion de vérité et comme monothéisme pur, mais il n'avait pas l'audace de lui faire face, car il le protégeait. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يُوَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. Allah renforce cette religion par l'homme pervers. Se peut que cette religion soit aidée par un homme pervers. Ibn Kathir dit ensuite, وَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ بَقَاؤُهُ عَلَى دِينِهِمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. Et il y avait dans la sagesse d'Allah le fait qu'il reste sur leur religion. C'est-à-dire qu'Abu Talib reste un mushrik. Ça a été une sagesse d'Allah, Azza wa Jal, de ce qui en découlait comme bienfait pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ لَيْلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَجَهَارًا لَا يَسُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ صَادٌ وَلَا يَرُدُّهُ عَنْهُ رَادٌ وَلَا يَخُدُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. Et malgré tout ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appelait à Allah nuit et jour, en cachette comme ouvertement. Et nul ne le détournait de ça, ni ne pouvait l'empêcher de faire ça. Et le blâme d'aucun blâmeur ne le prenait sur Allah azza wa jal. Et Allah azza wa jal dit dans son noble livre, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ô messager, transmets ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas transmis son message. Et Allah te préservera des gens, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc cette lourde responsabilité était sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message de son Seigneur face à un peuple qui mécroit en lui et qui le rejette et qui font tout pour pouvoir le tuer ou le chasser. Et cette responsabilité, les sahaba, après sa mort, s'en sont chargés et ont transmis le message. Alhamdulillah. Et les savants, de façon générale, qui sont les héritiers des prophètes et qui sont chargés de cette responsabilité. Et toute personne, selon ses capacités, y transmet ce qu'il peut. Balliru anni walau aya. Transmettez de moi même un verset. C'est-à-dire selon ses capacités, sans parler de ce qu'il ne connaît pas. Et les sahaba, qu'Allah Azza wa Jalla a cité en les vantant, disant, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est immense et omniscient. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.